monde est un théâtre d'ombre. Ou comme d'eau, je fais le monde. Je voudrais sortir de ce magma, m'éloigner des excès. C'est immonde, est-ce vraiment cela votre monde? Je suis déçu, et pourtant je n'en suis qu'au début. Si je médite en pleine conscience, alors je perds toute espérance. Comment pourrais-je me satisfaire de traîner seul dans ce désert? C'est immonde, est-ce vraiment cela votre monde? Et pourtant j'en suis qu'au début. C'est immonde, est-ce vraiment cela votre monde?